Les filles, je peux aller chercher un café? Non, mais moi je trouve ça bien qu'on parte entre filles, voilà. Ah oui. Non mais je suis là aussi. Moi aussi je suis là. Oui, enfin toi Fred, t'as une voix de fille, alors on est tranquille. Au fait, c'est beau lui. Ah ouais, très très chouette. D'ailleurs, je suis contente que tu viennes, Isabelle, c'est la première fois. Ah ouais, moi aussi je suis content. Chut. Alors je vais chercher un café. Non. Ok. Et moi aussi, c'est la première fois. Ah, c'est vrai, ça, Mélanie. Tiens, nous, on a deux premières. Ouais, moi, ça me fait plaisir. Pas toi, Alex? Bah, si, ça me fait plaisir, mais j'ose pas le dire. Alors, Juliette, c'est la deuxième fois. Oui, j'ai été à Nancy. Et les Lorrains, d'ailleurs, c'est vraiment un bon public. Ah, ouais. Pas comme les gens du Nord. Oh, mais Fred, pourquoi tu dis ça? Bah, la dernière fois, on est venu à l'Opéra Ville et les gens m'ont hué. Oui, mais aussi, t'as dit que l'Opéra, c'était nul. Ah, oui, mais. Enfin, cette fois, on est au Théâtre du Nord. Justement, je vais chanter une chanson pour dire que le Nord, c'est nul. Oh, non, quand on était dans le Sud, il a dit que le Sud, c'était nul. Le mec est cohérent. Ouais, enfin, pour les gens du Sud, c'est quand même plus vrai. Ah, mais pourquoi elle dit ça, la blondasse aussi? Oh là là. Excuse-moi, tu viens du Sud, sans doute? Ah oui, madame, oui. Ouais, bah ça prouve tout, ouais. Du Sud et tu m'agresses. Bon, bah on se calme. Mélanie Bauer reste en dehors de ça, ok? Ouais, bah là, je suis d'accord avec Pagnol, d'ailleurs, Bauer, c'est les... Alors, si tu savais ce que je pense des gens de l'Est... Non, mais silence! Mais on va pas se disputer, quand même! En tout cas, c'est chouette de partir entre filles, hein, ça va, toi, va chercher un café. Ah bah enfin! Fred, tiens, chante, ça va nous détendre. Femme des années 81, mais femme de Roubaix et Tourcoing. Bah, va nous chercher un café. Écoutez l'émission qui fait perdre le Nord à l'actualité en direct du Théâtre du Nord. Et voici les trois informations qu'on va retrouver complètement à l'ouest à 18h. La façade du bâtiment de La Voix du Nord, bijou des années 30, c'est tellement beau que pour l'île 3000, on la recouvre entièrement d'une photo de JR, star internationale de la photo, c'est l'île 3000. Ici, même les parkings vous plongent dans l'art de retrouver sa voiture. Rembrandt B12, ou à la rigueur C12. Mais Rembrandt, c'est sûr. Je te dis que c'est Velázquez, papa. Velázquez, P9, quatrième sous-sol. Manuel Valls a eu droit à sa sacrée soirée télé. Et comme d'habitude, au premier rang du public, il y avait une longue rangée de potiches. La moitié des ministres du gouvernement, ravis d'être là. Je me fais chier. Je me fais chier. Un collectif de dessinateurs dénonce le sexisme dans la BD. 147 dessinatrices de BD sont en pétard d'être enfermées dans la catégorie BD de femmes. Je suis pas mauvaise, je suis juste dessinée comme ça. Et je suis accompagnée de celui qui pêche trop bien, de Jessica Rabbit, c'est Alex Vizorek. Bonjour Charline, et de sexisme, il n'en est pas question autour de cette table puisque je suis le seul homme. Mais je vais quand même vous présenter l'équipe. Dans l'équipe, monsieur l'invité, qu'on ne sait pas encore qui c'est, mais qu'il est d'ici et que tout le monde l'a soutenu quand mais j'ai dit ma bêtise. Mais qu'il est déjà dans l'équipe. À 17h20, elle nous parlera de musique. Elle est capable, dans la même chronique, de faire cohabiter Amy Winehouse et Plastic Bertrand, dont au départ, le seul point commun est que ça plane bien pour eux, c'est Mélanie Bauer. Oui, et aujourd'hui, en honneur de notre invité mystère, le mot, ce sera « mal dominant ». Très bien, à 17h, ça me poursuit. À 17h30, elle, on était très heureux de l'emmener dans le Nord parce que, comme vous, à la question « on n'en prendrait pas une petite dernière ?», elle est capable de répondre « oui, commençons par une dernière ». C'est Juliette Arnaud. Bonjour, eh bien moi j'ai parlé d'une fille dominante, hein, parce que sinon ça fait, vous voyez, c'est... Très bien, voilà. Et à 17h40, c'est le cerveau de l'équipe, si elle a obtenu ce rôle-là, c'est au moins autant pour ses capacités que par manque de concurrence dans le reste de la troupe. Bonjour Isabelle Sorrent. Bonjour Alex, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parlerai de contenu, voilà, de contenu. De contenu, c'est oui, de contenu, tout ça, le genre de contenu. Voilà. Et à 17h55, la dernière fois qu'il est venu à Lille, on a dû l'évacuer par la porte dérobée de l'Opéra. Donc je vous donne deux infos. La première, il a préparé une chanson sur les ch'tis. La deuxième, il sortira par l'arrière du théâtre très très vite après. Mesdames et messieurs, ce sera Frédéric Fromet. Et je vous rappelle que l'émission est sur Twitter, hashtag annule tout. Si vous voulez poster des photos de cette salle magnifique du Théâtre du Nord, pleine comme un œuf. Aujourd'hui, le référent de la République qui préside cette émission est né sous... Vous savez sous qui vous êtes né ? Sous René Coty. Vous publiez des caricatures politiques dans Le Point et dans Playboy en 74, c'est l'année des valseuses. Votre personnage, Jérôme Mouchereau, devient une BD et une vedette en 93, c'est l'année de la cohabitation entre Mitterrand et Balladur, dite la cohabitation de velours. Vous illustrez un tome de la série 13 Mystery, un spin-off, un dérivé de la fameuse série 13. Ça se passe en 2011, l'année où DSK aurait dû passer la nuit au Carlton de Lille plutôt qu'au Sofitel de New York. Vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer, dans cette salle. Vous êtes... réveillé, vous êtes... Je vais lire mon nom. Allez-y. François Bouc, je m'appelle. C'est un homme. Sur France Inter, Charline Van Mouker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'aime tout. François Bouc, qui mais attendez, dites, je m'étais pas rendu compte à quel point j'avais épousé l'histoire de France, moi. C'est dingue, hein. La cohabitation de velours, ça vous étiez passé au-dessus, non? Oui, même René Coty. René Coty, je ne savais même pas qu'il avait existé. Mais on est là pour donner de l'information, même à l'invité. C'est même à l'invité sur sa vie, on vous apprend des choses. François Bouc, vous publiez un nouvel album de Super Dupont, le personnage au départ de Gottlieb. Un album qui s'appelle Renaissance, alors que c'est aussi le thème de L'île 3000. Alors ça... Sans connexion. Hein, sans on connexion. L'a fait tout à fait à part. C'est Marcel Gottlieb... donc vous le connaissez, qui est venu me voir en me disant « François, je te supplie de faire Super Dupont, j'aimerais bien que tu fasses Super Dupont ». Donc il m'a courtisé comme ça pendant des années. Il a commencé sans doute sous De Gaulle, lui. Lourde responsabilité de reprendre Super Dupont. Parce que, notamment, le personnage avait été récupéré par Le Pen. On rappelle que l'ennemi de Super Dupont, normalement, c'est l'anti-France. Alors, Super Dupont a été récupéré par Le Pen, par Sorel et compagnie. Et donc, vous dites maintenant, à l'époque, on pouvait lire au second degré, plus aujourd'hui. Donc, vous avez défranchouillardisé le personnage. Ça fait froid dans le dos, cette phrase. Mais non, ça devient très très compliqué de faire de l'humour aujourd'hui, vous savez. Par exemple, dans cette histoire, il y a une petite séquence où on voit Super Dupont arriver dans une chambre d'une maternité où il y a plein de noirs. Il se trompe de chambre. Il voudrait aller dans la chambre de sa femme, mais non, il tombe sur... et il y a plein de noirs. Et alors, j'ai eu des retours du genre, mais vous êtes raciste, dessiner des noirs dans une maternité. Je dis, mais ça, c'est incroyable. On ne peut plus dessiner... moi, je dessine des rhinocéros, je vais avoir le front des rhinocéros contre moi. Dessiner des chatons, vous aurez moins de problèmes. Des châteaux. Des chatons, des dauphins. Mais non, il va avoir des châtelains. Et les châtelains vont arriver. Isabelle Sorrente. Oui, j'avais une petite question. Comment donc on est passé d'un personnage qui était un petit peu, je dirais, caricatural, hein, qui faisait cette caricature franchouillarde qui est plus possible aujourd'hui parce que ça peut être interprété premier degré, du coup, pour quelque chose d'un peu plus, je dirais, onirique et absurde. Comment ça a influencé un petit peu le dessin pour vous? En fait, les choses se font ensemble. C'est-à-dire que le dessin et les histoires se combinent. C'est une seule et même chose, au fond. Et donc, quand on a une idée d'un gag ou bien d'une situation, en fait, le dessin vient naturellement pour épouser la situation. Ce qui fait qu'il n'y a pas une sorte de brainstorming pour se dire comment on va dessiner ce truc-là. Ça vient de plus en plus naturellement. C'est même ça, d'ailleurs, qui est le plaisir du dessin, hein. D'accord. Ça, c'est... Et le pape des ténèbres avec ses petites dents en pointe, du coup, c'est quelque chose. Il fallait trouver le principe du mal. D'accord. Et donc, il fallait le figurer, le principe du mal. Et donc, on a trouvé cette manière de le figurer. Donc, qui est un personnage un peu contrefait, qui est pas grand, parce que souvent, les dictateurs sont pas très grands. Il y a des dents pointues. Les prédictateurs mettent des talonnettes parfois aussi. Vous pensez à qui, franchement? Je vous rappelle que l'actuel a la même taille que le précédent. C'est vrai, mais sans talonnette. Super Dupont, François Bouc, vous êtes avec nous, vous êtes Lillois. Hein, oui, j'habite ici. Oui. Allez, musique, un petit peu d'ambiance dans ce théâtre du Nord. Allez, on va vous chauffer jusqu'à 18h. J'adore. Regardez danser les gens, j'y retourne souvent, au bar du Luxor. Regardez danser les gens, j'adore. Les institutrices, péricultrices, administratrices, dessinatrices, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation, les chirurgiens, les mécaniciens, les chômeurs, j'adore. Regardez danser les gens, et je remets le son. Je coupe le son. Je remets le son. Et je recoupe le son. Et attention. Je remets le son. Encerclé, et là je me sens en danger. Alors je leur dis prenez-moi, faites de moi n'importe quoi. Pendez-moi la tête en bas comme la dernière fois. J'adore. Regardez danser les gens. Ah je trouve ça fascinant. Au bar du Luxor. Regardez danser les gens. J'adore, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore. Et je coupe le son. Et je remets le son. Et je recoupe le son. Je remets le son. Plus de son, mais au théâtre du Nord de Lille, avec les applaudissements du public. Vous êtes bien sur France Inter, et si tu écoutes, j'annule tout, même mon cours de gym. Nous sommes en direct avec François Bouc, qui dessine, qui publie Super Dupont et l'album Renaissance, le personnage de Gottlieb, avec aussi Bellecrouf. Et autour de cette table. Autour de cette table, à gauche, la brune Isabelle Sorrente, et de l'autre côté, les blondes Mélanie Bauer et Juliette Arnault. De sexisme, il en sera question tout à l'heure dans la bande dessinée avec vous, François Bouc, on en parlera. Est-ce qu'elle n'est pas brune, est-ce qu'elles ne sont pas blondes? C'est du factuel, du contenu, et c'est exactement ce dont on a besoin dans les journaux d'informations radiophoniques. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Manuel Valls a comparé son gouvernement à l'équipe de France de rugby. Najat Vallaud-Belkacem s'est immédiatement senti obligé d'ajouter « Je vous jure qu'il ne m'a jamais plaqué au sol ». Delphine Ernotte, la nouvelle présidente de France Télévisions, a déclaré « Nous avons une télévision d'hommes blancs de plus de 50 ans, il faut que cela change ». Jean-Pierre Elkabbach se déclare soulagé. Ça ne vaut pas pour moi, moi j'ai beaucoup plus de 50 ans. Et bien sûr des brèves, mais aucune vanne sur le grand journal, parce qu'à un moment ça reviendrait à tirer sur une ambulance. Ah, bah, amenez le corbillard. Hier, donc, Manuel Valls était l'invité de David Pujadas pour des paroles et des actes. Et derrière lui, dans le public, une dizaine de membres de son gouvernement. Donc, il y en avait un qui bossait et 10 qui le regardaient travailler. C'est ça. C'est une moyenne assez normale chez les fonctionnaires. Du côté de l'air A... Je savais qu'il y en aurait dans la salle. Hein. Ça ne sert à rien de huer. C'est les 30% qui ne sont pas d'accord avec Emmanuel Macron. Ils sont dans la salle. Du côté de Les Républicains, oui. Rachida Dati a annoncé qu'elle soutiendrait Nicolas Sarkozy à la primaire de 2016. Réaction de Sarkozy. Et merde. France Télévisions, Delphine Ernotte a donc annoncé qu'elle voulait un Game of Thrones made in France. C'est quoi exactement Game of Thrones? C'est une série médiévale avec des albinos, des monstres à un seul œil, et puis il y a même un personnage qui a tué son père. Ça existe déjà en France, ça s'appelle le Front National. International. Ça va, ça, tout le monde est content avec ça? Même les fonctionnaires? International avec la visite du pape aux États-Unis. Oui, et ce moment cocasse, une petite fille de 5 ans a bravé la sécurité et est allée remettre une lettre au pape. Oui, elle a réussi à s'approcher du pape malgré les gardes du corps. Oui, c'est une situation délicate pour les gardes du corps. Quand un enfant s'approche d'un homme d'église, ils ne savent pas qui protéger. Au départ, j'étais pas certain de faire une blague pédophile à Lille, et puis je me suis dit, bah, je suis belge. Je suis belge, je cautionne. Voilà. Et tant qu'on est dans le Nord, vous avez épluché la presse locale, Alex. Oui, oui, oui, j'ai beaucoup lu la presse locale toute la journée, d'ailleurs, avec cette information qui nous vient d'Armentières, ouvrez les guillemets. À 12 ans, il fuit la police en voiture. Ah oui, non, c'est scandaleux si jeune et conduire. Mais pas du tout, Charline, je tiens justement à saluer la prudence des gens du Nord. Ce garçon était sans doute la seule personne à jeun de toute la famille. Valait donc mieux qu'il conduise. On continue. Vous êtes versatile, vous êtes versatile. Ne bougez pas, il y en a encore. On continue avec Nord et Clair. Oui, avec ce titre, Lille, il cachait sa drogue chez sa grand-mère. Ah bah oui, c'est scandaleux. Ah mais non, je tiens justement à saluer les gens du Nord pour ce dialogue intergénérationnel qu'ils essayent d'instaurer en toutes circonstances. Ah oui, ah oui. Bon, allez, une dernière alors, non ? Oui, oui, oui. Lille, des nordistes revendiquent la paternité du cricket et choquent l'Angleterre. Ah bah oui, c'est scandaleux. Non, c'est historique. La première mention du cricket a été retrouvée dans une lettre de doléance adressé au roi Louis XI, qui mentionne un décès lors d'un match organisé le 25 octobre 1478 dans le parc du château de Liètre, donc près d'une commune du Pas-de-Calais. Oui, merci Stéphane Bern. C'est en Angleterre. Et donc, en Angleterre, on n'a parlé de cricket qu'en 1550. Ah ouais, donc la France invente un sport, mais complètement nul, après au point de perdre contre les Anglais. Quoi. Voilà, c'est comme si à l'inverse, je vous disais que la bonne cuisine a été inventée en Angleterre. On vous accompagne jusqu'à 18h sur France Inter. Vous l'aurez compris, on jette l'actualité du haut du beffroi de Lille avec François Bouc qui est avec nous. Premier sujet qu'on va aborder avec vous, c'est l'orgie à Lille, l'orgie de culture. Lille et toute sa métropole, hein, avec 60 expositions, c'est Lille 3000. Et puis demain soir, il y a Carnaval de Rio dans les rues. Hein, la métropole lilloise va se mettre une plume dans le cul. Un événement auquel participent d'ailleurs toutes les cultures. Et là, il y en a une seule au monde. Sur la tête de ma mère, coco. Carnaval, plume, Brasil. Kipacabana. Sur la tête de ma mère, t'es un dur. On l'a vu 3000. Alors, par exemple, juste à côté du théâtre du Nord où nous sommes actuellement, François Bouc, il y a le siège de La Voix du Nord qui est entièrement recouvert d'une photo de l'artiste J.R., méga star international, très connu aussi dans les 5e, 6e et 7e arrondissements de Paris, notamment, milieu culturel. Alors, c'est vrai que c'est une très très grande star, il est très doué, J.R. Mais est-ce que vous le connaissiez, vous, J.R., ou est-ce que vous l'avez découvert parce qu'il a recouvert d'une très jolie photo, d'ailleurs d'archives de La Voix du Nord, la façade du journal? Non, je ne connaissais pas. Voilà. C'est pas bien, je me rends bien compte que ce n'est pas bien. Mais en arrivant ici, je... Comment ? Faut lire Télérama, mon vieux. Mais voilà, c'est ça. À Paris, tout le monde sait qui est J.R., enfin. Je lis des bandes dessinées, vous savez. Donc c'est en arrivant ici que j'ai vu qu'il y avait cette tapisserie sur la façade. Alors je vais vous dire, J.R. est connu notamment pour opérer dans les favelas de Rio ou les bidonvilles du Kenya. Donc s'il a choisi Lille, est-ce que c'est bon signe finalement? Voilà. Blague à part, Lille est perchée à 3000 sur le thème de la Renaissance, comme le titre de votre album de Super Dupont. Tiens. Alors il y a pas mal d'expositions. Il y a par exemple une exposition sur Détroit, ville post-industrielle qui a du mal à se relever. Aussi des expositions sur Rio. Voilà. De quel œil vous voyez-vous ce véritable shoot culturel dans Lille et toute sa métropole? Parce que c'est impressionnant à voir si vous passez par ici. On sent une émulation, comme un immense salon de la culture. Mais on aime ça, nous. Dans le Nord, on aime ça, se cultiver, vous savez. Et tout le monde aime ça, quand même, j'espère, évidemment. Oui, non, mais vous savez, il pleut ici, de temps en temps. Et donc, vous savez, vous parlez à des Belges, hein, on est en connaissance de cause, ne vous inquiétez pas. Ah ben, vous voyez, le genre de truc. Alors, quand il pleut, soit vous restez chez vous, vous faites de la bande dessinée, et quand vous voulez sortir, vous allez dans des expositions, vous allez voir des films au cinéma, vous allez dans des... Même quand il y a des carnavals et qu'il pleut, on y va quand même dehors. Hein. C'est les gens de Rio qui vont être déstabilisés quand même. Ah mais ça, ils n'avaient qu'à pas venir. Il va faire bon, on a eu La Voix du Nord, ils ont annoncé la météo, tout devrait bien se passer. Alors, j'ai lu aussi dans La Voix du Nord que Lille allait accueillir 40 réfugiés, donc des gens qui ont fui la guerre, qui vont débarquer en plein carnaval de Rio dans le nord de la France. Je sais, ils en ont vu d'autres, mais quand même. Quel est votre programme, François Bouc? Vous allez, j'imagine. Vous allez en accueillir? Ben, je sais pas, je sais pas, faut que j'y rencontre d'abord. Et je peux rencontrer les 40 et puis je choisir au milieu, non, c'est gênant. Vous, est-ce que vous êtes fait un programme, vous sentez cette émulation, c'est un véritable bain de culture dans une époque où on est en crise, où les budgets de la culture sont souvent coupés, etc. Là, il y a vraiment un pied de nez de l'île du Nord. Mais je pense que c'est comme ça qu'on doit lutter contre la crise. On doit lutter contre la crise en rigolant, en se cultivant, en démultipliant au contraire la culture plutôt que la minimiser. Je crois que c'est une erreur de minimiser la culture. La culture, elle doit être, dans un moment de crise, au contraire, le véhicule du parler, le véhicule des langages, des cultures, et de façon justement à redynamiser par l'invention. Le gros problème dans les crises, c'est l'imagination. On est à court d'imagination. Alors on voit tous nos politiques, là, pour qui j'ai énormément de tendresse, parce que je me dis, mais comment ils peuvent faire avec tous les soucis qu'on leur donne. C'est dur, c'est vrai. Et en plus, ils n'ont même pas le temps d'imaginer autre chose que ce qu'ils ont appris dans leur école. Puis ils ont fait tous la même école. Ouais. Alors, je me dis, les invitez à Lille, les politiques, à venir voir un peu d'imaginaire, un peu de vision. Et là, je pense vraiment que la culture, on devrait la démultiplier. On devrait doubler, au moment de crise, le budget de la culture. Voilà, c'est le fait en tout cas. À Lille, Lille 3000, on vous conseille vraiment de venir et de visiter toutes les expositions. Il y en a 60 dans toute Lille et sa métropole. De culture, il en est question aussi dans cette émission, François Bouc, notamment avec Mélanie Bauer. Ah, effectivement. C'est d'ailleurs le principe là, de l'île 3000, ça s'appelle Renaissance, parce que c'est basé justement sur l'enthousiasme, etc. Donc c'était un très très joli résumé, c'est exactement ce qu'il voulait faire. Bref, cher monsieur Bouc, cher monsieur Vizorek, j'ai conscience que pour vous, tout comme le héros Jérôme Mouchereau, le concept de mâle dominant est une préoccupation majeur. De tous les jours, surtout pour vous, monsieur Bouc, puisque vous avez écrit le manifeste du mâle dominant. C'était absolument extraordinaire, je le conseille à tous. Alors pour la musique également, le mâle charismatique fait recette. On pense Elvis, on pense Michel Sardou, ça c'est pour vous, Alex, et bien d'autres. Cette semaine, par exemple, alors je suis allée dans le classement des meilleures ventes d'albums avec en premier Maître Gims, Brisé, un gros tube sur son album qui exprime quand même une fragilité dans sa virilité. Vous voulez dire que vous allez diffuser du Maître Gims sur France Inter? Ah oui, parce que son album s'appelle... Chers auditeurs, merci, on était ravis de faire cette émission avec vous, c'était une aventure formidable. Pourtant la culture en période de crise. Continuez. Son album s'appelle Pilule Bleue, ce qui en dit long quand même sur ses problèmes. Alors vous allez me dire, si vous trouvez ça dominant. J'essaie d'y croire, je me vois sûrement la face. Je me vois sûrement la face, tu m'as poignardé dans le noir. J'ai fait confiance, aveuglé de ma confiance. Oui, c'est absolument insupportable. Dominant, mal dominé, premier dé de charge en tout cas. Pour vous, dominant? Dominé. Est-ce que je peux rappeler ce tweet de Joe Star qui a tweeté: est-ce que vous savez quelle est l'unité de mesure de la musique de merde? Le Maître Gims. Ce qui est une excellente vanne de Joe Star. Oui, mais en tout cas, lui, il est premier des charts cette semaine. Oui. Bon, alors dans le genre plus Lucien, la BD de Margerin, bien sûr, plus Burné, bien sûr, il y a Iron Maiden sur l'album The Book of the Valley, book pour vous aussi François. Souvent, c'est votre fête François. Souvent les grosses guitares cachent des malaises plus profonds, les larmes du clown, ça c'est pour vous Alex aussi. Tears of a Clown. Tomorrow comes, tomorrow goes, but the clown remains the same. Wonder why he's feeling down. Tears of a clown. Maybe it's all just for the best. Lay his weary head to rest. Was forever feeling drowned. Tears of a clown. Dominant. Dominant, pas dominant. Juliette Arnoux, un avis? À fond de domination. Voilà, ça c'est tranché, c'est la vie Juliette Arnoux. Ça réveille tout le monde. Ça, le public est complètement perdu. Alors mon préféré, c'est Calogero, qui ressemble au rat de Petit Luc, une fois de plus, référence. Vous voulez vraiment vider la salle et le pacouche blues de la musique. Francis Cabrel, le barde de chez Astérix, n'a rien de très intimidant. Alors où trouver des mâles dominants? Il n'y en a plus trop. Faut dire que la mode est plutôt aux hommes fragiles. Booba est totalement ringard. Maintenant, on aime Drake, on aime les hommes qui ne cachent plus leurs émotions. Son petit protégé, par exemple, né en 90, un DJ canadien originaire d'Érythrée qui s'appelle Weeknd. Et puis, notre maître à tous, le mâle dominant, le vrai, peut-être le dernier de l'Amérique, le bad boy des bad boys, c'est Dr. Dre. Le film sorti en août, Straight Outta Compton, sur le groupe NWA, pionnier du gangsta rap, cartonne aux États-Unis. Il est sorti chez nous. Il a remporté 134 millions de dollars déjà. 15 ans après Chronic 2001, Dr. Dre revient avec Compton. Just another day. 6 pounds of chronic on my grandma coffee table. That's how you remember it, that's how I remember it. Yeah, dip it to the liquor store. 9 in my khakis, Crips trying to get at me. My red Impala bumping like acne. My city attract me, been shot, robbed, stabbed, chased home, socked out, jabbed by essays, cops, degenerate niggas with rags. Ouais, merci Mélanie. Et donc ça, c'est burné quand même. J'ai une question. Donc ça c'est bien. Ah bah ça c'est dominant. D'accord. Ça on est pour. Ça on respecte. Ça on baisse la tête. On sourit. On est encore plus blonde. Enfin le mâle super dominant, plus que Gainsbourg, Bob Marley, Cabrel et Elvis réunis est mort. C'est James Brown. Même mort le 25 décembre 2006. Il est le sex machine. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Machine. Get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up. Wait a minute, shake your arm, then use your palm, stay on the scene, like a sex machine, you got to have the feeling, sure as your bone, get it together, right on, right on, get up, get on up. Get up, get on up, get up, get on up. Merci Mélanie. De rien, puis sinon si vous vous intéressez à la musique, il y a la française pop, c'est l'histoire de nos mâles French par le journaliste Christophe Comte avec Charles Berberian. C'est de la bande dessinée, ça nous parle et ça nous raconte la chanson française. Oh, de la bande dessinée, mais oui, François Bouc est avec nous, Super Dupont, ah ouais. C'est son album. Mais oui, c'est vous, vous êtes là, vous êtes toujours là, Sex Machine, ça vous parle? Ça marche toujours, empêche ouais. Ce truc-là. Hein. Ça marche, ça n'a pas vieilli, c'est incroyable. Allez, vous êtes toujours sur France Inter, on est toujours en direct du Théâtre du Nord à Lille. Ah oui, vous êtes là, effectivement. Il y a des gens sur les marches. Avec Alex Vizorek, Isabelle Sorrente, Mélanie Bauer et Juliette Arnaud. Juliette. Oui, alors maintenant, on arrête avec les mâles dominants, on arrête avec Super Dupont, l'œuvre Funny Girl, l'auteur Nick Hornby. Alors, à chaque fois que j'apprends qu'il va y avoir la parution d'un nouvel opus de Nick Hornby, carrément, je fais des claquettes de joie. Pourquoi ? Trois raisons. Je sais qu'à un moment ou un autre, je vais prendre un fou rire, un vrai fou rire. Hein, ça m'est arrivé dans le métro. Je sais qu'il va me réconcilier avec le monde, au moins temporairement. Et je sais aussi qu'il va me donner envie de tomber amoureuse. Et si ça se révèle pas forcément concluant, ça sera pas la faute de Nick Hornby. Alex, c'est le moment. Hein. Alex, maintenant. Dans le train du retour à Paris, ça va... Ça va être affreux. Donc, oh non, pas vous aussi. Ça va être sale. Après Carton jaune, à propos d'un garçon, ou encore Haute fidélité, voici Funny Girl. Alors, c'est effectivement l'histoire d'une girl, hein, une fille, qui s'est inscrite, sans trop savoir pourquoi, au concours de Miss Blackpool. Blackpool, c'est sa petite ville dans laquelle elle vit, au nord de l'Angleterre. Et qui, au lieu de pleurer avec force morve en disant que c'est le plus beau jour de sa vie, au moment où le maire du coin lui remet sa couronne, change d'avis, rend la couronne et galope à Londres, le vibrant Swinging London du début des années 60. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi qu'elle fait ça, la dame ? Parce que son rêve, à Sophie, c'est pas d'être Miss Monde. Malgré une carrosserie irréprochable, son rêve, à elle, c'est d'être une funny girl, c'est-à-dire une fille qui est drôle dans un feuilleton à la télé. Et bien que Sophie soit un peu plouque et pas exactement sortie d'Oxford et avec un solide accent du nord de l'Angleterre, elle va y parvenir. Sa personnalité, son sens de l'humour vont inspirer un duo de scénaristes et leurs producteurs suffisamment pour qu'ils écrivent carrément un feuilleton basé sur elle, puisqu'il se nommera Barbara et Jim et pas l'inverse. Parce que d'habitude, vous savez, c'est Jim et Barbara, parce que la télé, elle est misogyne. Et ça fonctionne, l'Angleterre entière se passionne pour les aventures conjugales de Barbara Sophie. Et ça, ça nous parle, à nous les lecteurs de 2015, parce que s'il y a bien une chose qui nous met tous d'accord ces derniers temps, ce sont les séries. C'est même notre nouvelle religion laïque, hein, à charge pour elle de nous enchanter, de nous terrifier, d'alimenter nos conversations et surtout nos meilleures engueulades. Est-ce que oui ou non, Les Sopranos, c'est la meilleure série au monde ? Est-ce que l'hiver va finir par arriver sur le royaume des sept couronnes ? Oui ou pas ? Est-ce que quelqu'un peut se sacrifier et tuer Carl, le fils du shérif, dans The Walking Dead ? Merci pour... Là, il y a une question. Avec Funny Girl, Nick Hornby, c'est donc l'occasion de faire la petite souris et d'assister de l'intérieur au faisage d'une série, au tourment des auteurs, les voir se mettre d'accord, trouver le rebondissement crédible ou amusant, convaincre le producteur et les instances de censure, et ensuite les acteurs. Ah, les acteurs qui pensent d'abord à leur image et à coucher ensemble. D'ailleurs... Nick Hornby répond à cette foutue question majeure d'utilité publique et préoccupante. Pourquoi est-ce que les acteurs couchent ensemble ? Je cite. « Les acteurs et les actrices avaient un capital de séduction supérieur aux gens ordinaires. Un des dons qu'ils avaient eu la chance de recevoir, le seul peut-être qui compta vraiment, voire dans bien des cas, le seul et l'unique. Ces gens... plus séduisants que la moyenne, passaient beaucoup de temps ensemble, pendant que d'autres, moins gâtés par la nature, les habillaient, les maquillaient, les éclairaient de façon à accentuer leur beauté, leur disaient qu'ils étaient des êtres merveilleux. Ils se retrouvaient fréquemment parqués dans des endroits glamour, loin de chez eux. Souvent, on leur octroyait des chambres contiguës, dans de beaux hôtels. Et tout, dans leur vie, était orchestré pour encourager le petit coup frappé à une porte au cœur de la nuit. Voilà, vous c'est bien ça. Vous confirmez, Juliette Arnaud ? Vous non, avez été comédienne, Ouais, mais c'était il y a longtemps. Voilà, donc je vous encourage à venir partager les aventures de Sophie avec Clive, Denise, Tony, Bill et tous les autres, et puis lire comment leurs vies vont influencer la série et inversement, et comment Sophie en arrivera plus tard à comprendre, lorsqu'elle sera devenue une très vieille dame, qu'elle a eu, comme dans Dirty Dancing, « The Time of Her Life ». Eh ouais, sur France Inter. Oui, vous êtes bien sûr France Inter. Merci Juliette Arnaud, en direct du Théâtre du Nord à Lille, pour l'événement Lille 3000. On est ensemble jusqu'à 18h en compagnie de François Bouc. On va aborder le deuxième sujet avec vous tous autour de cette table, dans cette salle, et vous chez vous, hein, attention, soyez vigilants. Sujet 2, un soir avec Manuel Valls. Voilà ce que proposait la télévision hier. Oh. Wow. Avec au premier rang du public la moitié du gouvernement dans le rôle des pot-de-fleurs, parce que Manu, il manage toute une équipe et ça l'ennuyait d'y aller seul. Ça pour redresser la barre du chômage. Bon voilà, on va se calmer, on va aborder le sujet. Je pense que les programmateurs musicaux de France c'est Inter ne vont plus nous laisser la main. Musicaux, François Bouc, vous regardez ce genre de grand-messe à la télévision? De temps en temps, je tombe dessus, oui. Ah, vous tombez dessus, donc c'est pas fait exprès, quoi. Non, je fais pas exprès. je peux faire... Qui a regardé Manuel Valls hier à la télé? Waouh. Alors, dans cette salle... 10 sur les 400. Ça fait pas beaucoup. Et pourtant, ils m'ont tous dit qu'ils étaient de gauche. C'est pas bien, les gars, ce que vous avez fait. Bah si, ils ont dit de gauche. Alors maintenant, est-ce que tout le monde a quand même vu, à travers les informations, les images, les réseaux sociaux, etc., tous ces ministres alignés, comme ça, derrière, qui faisaient potiche? Ah, là, c'est plus mitigé. Est-ce que vous avez la télévision? Oui, c'est ça, il y en a beaucoup qui n'ont pas la télévision. Non, combien n'a pas la télévision? Alors, François, j'ai pensé à vous, en voyant une sortie, donc Manuel Valls, à un moment donné, Karim Rissouli, qui est un journaliste, lui parle de tweets, de réseaux sociaux, etc. Et Manuel Valls, le Premier ministre, dit « Attention à tout ce qui dévalorise les responsables publics. » À force de faire tomber du piédestal les responsables publics, quels qu'ils soient, il ne faut pas s'étonner que la démocratie se fissure. Et pourtant, vous qui avez été caricaturiste, faire tomber le responsable public de son piédestal, c'est aussi nécessaire pour la démocratie. C'est une obligation, même. Voilà. Bien sûr. Ouais. Mais... C'est sidérant ou pas comme... y a une fonction, bien entendu. Comment ? Le roi des Belges aussi, bien sûr. Ça en prend toute l'année, vous inquiétez pas. François Bouc, ça vous interpelle. Moi, ce qui me plaît quand je fais de la caricature politique, c'est toujours de me dire, mais derrière l'homme politique, il y a quand même un être humain. Et donc, je vais essayer de le découvrir. Je vais essayer de voir comment il agit, moi, être humain, puisque on a ça en commun, hein, on a tous... quoi qu'on soit. Comme dirait Francis Lalanne, c'est le fait d'être humain qui nous relie. Voilà, exactement. C'est vrai. Tout simplement. Et donc, citer Francis Lalanne, Alex Vizorek. Ça ne mange pas de pain. Oui, mais je pense aussi. Hein. Alex est d'accord avec moi. Donc je vais chercher l'être humain qui est en moi, puisque je sais qu'on a le même, eux et moi. Et à partir de là, je commence à essayer de distiller ce qui peut se passer en eux. Et en distillant ça, il arrive des images, et c'est ça que j'essaye de traduire. Alors, vous avez dit aussi que vous êtes entre Lille et Paris, et que pour faire de la bande dessinée, il faut prendre un peu plus de recul. Et est-ce que Paris, c'est le lieu pour vous de la caricature, et Lille, c'est plutôt le côté BD, où là, vous prenez du recul, vous posez les choses, et est-ce qu'il y a deux endroits de géolocalisation du dessin, presque? Oui, totalement. C'est deux registres différents. Quand on fait de la caricature, il faut être près de l'actualité. Tout le temps en train de regarder les infos, écouter France Inter. Très bien, très bien. C'est bien fait. On rappelle votre ouvrage, Super Dupont. Voilà. Renaissance chez Dargaud. Publié chez Dargaud, oui. C'est donnant. Et donc, quand on fait par contre de la bande dessinée, on a besoin d'un certain recul. Et la bande dessinée demande à construire une histoire, à mettre les personnages en place. Et donc ça demande un certain espace de méditation. Et je trouve que je suis beaucoup mieux pour pouvoir faire ce travail-là à Lille qu'à Paris, dans la trépidance, tout ça, que vous connaissez bien. Évidemment, prendre un peu de hauteur, même du haut du beffroi. Comme Isabelle Sorrente, qui régulièrement nous parle littérature et aussi linguistique. Oui, alors aujourd'hui, donc, je vais vous parler du mot contenu. Ah, voilà. Alors, qui nous concerne. Alors, qui nous concerne tous. Alors, qu'est-ce que le contenu? Bah oui, parce qu'on se pose tous la question, on essaye de rendre service à vous, hein, à nos auditeurs. Et comme on me dit toujours d'être concrète, je vais vous donner un exemple très concret de contenu. Mercredi, on parlait du Spin Doctor, le gourou de la communication, qui a été engagé donc à prix d'or pour redorer le blason de l'hôpital où Vincent Lambert est maintenu en vie. Et je ne sais pas si vous aviez vu le film, hein, diffusé avant l'été par la famille de Vincent Lambert sur YouTube, ce film où il semblait communiquer avec ses proches et qui avait fait scandale. Moi, je l'ai vu et je ne l'ai pas cherché sur YouTube pourtant. Et est-ce que vous avez une idée où est-ce que je l'ai vu, à votre avis, Alex? Il y a une chaîne télé qui l'a diffusé, non? Non, parce que je n'ai pas la télévision. Je l'ai vu, figurez-vous, au club de sport. Et oui, c'était sur une télévision. Il y a beaucoup d'écrans, dans la salle de sport. C'est vrai, entre les Stairmasters et les rameurs. Et sur ces écrans, on voit passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenus, hein, qui vont de la météo du jour aux bateaux surchargés de réfugiés, en passant par les images des derniers attentats au Moyen-Orient. Il y a parfois quelques bribes de débats politiques. Tout ça sur le vélo d'appartement. Tout ça sur le machin, le Stairmaster, l'appareil de torture, et vous me direz, Charline, mais quel mal y a-t-il à cela ? Après tout, tant mieux, hein, si la direction du club dont je tirais le nom a décidé, dans un élan de sagesse et de pédagogie, de m'informer en temps réel pendant que je prends soin de mes petits muscles atrophiés. Hein. Alors, bon, je vois quand même trois obstacles à ce transfert de contenu obligatoire. Le premier, c'est justement qu'il est obligatoire. Hein. On ne peut absolument pas éviter ces images parce que les écrans sont partout dans la salle de sport. Le second obstacle, c'est qu'il paraît difficile de voir ce que l'on voit alors qu'on est en train de suer sur une machine. Alors, peut-être que je me sens plus aveuglée qu'éclairée, peut-être que ça vient de mon mauvais esprit, mais enfin, c'est quand même comme ça que je le ressens, comme une sorte de violence et d'indécence. Enfin, troisième inconvénient de taille, c'est que ces images sont muettes, hein, puisqu'au même moment, le club de sport diffuse un autre contenu, radiophonique celui-ci. Maître Gibbs. En partenariat avec une chaîne de radio, donc il y a de la techno. Donc vous écoutez de la techno et vous voyez les images sans le son de tous les drames mondiaux, pendant que vous voyez aussi le nombre de kilomètres parcourus, donc ça fait beaucoup, beaucoup de contenu pour un seul cerveau. Et la seule explication réaliste que j'ai trouvée à cette schizophrénie, c'est que le club a passé donc un partenariat avec une chaîne d'information et avec une radio techno que je ne nommerai pas, et chaque jour il doit diffuser une certaine quantité de contenu, et l'absurdité du mélange pour ceux qui le subissent ne fait pas partie de l'équation économique. Alors, maintenant, arrivons au fond. Voilà. Hein. Arrivons justement au fond, parce que le mot contenu remplace le mot fond. Alors, c'est toujours intéressant de se demander, dans notre vocabulaire quotidien, pourquoi un mot chasse l'autre. Et depuis toujours, le fond... Je vous écoute. Je suis le dernier, d'ailleurs, dans cette salle, mais je vous écoute. Depuis toujours, le fond, dans la rhétorique, s'oppose à la forme. Donc, le contenu... C'est du fond sans problème de forme. C'est du fond informe, on peut dire. Une substance docile comme le fourrage qui remplit les raviolis au rayon frais. Donc, le contenu doit être transférable. Hein. C'est sa première caractéristique. Retenez bien le mot transférable. Est-ce que vous avez passé la nuit avec André Manoukian ? Parce qu'il y a un style, quand même, à un moment. Je ne suis pas sûre. Donc, votre contenu je dans vous le reproche secondes, pas. Votre contenu dans 10 secondes après la page de publicité. Donc, on ne parle plus de musique, on ne parle plus de cinéma, on ne parle plus de mélodie, on ne parle plus de plan séquence. On parle d'une matière transférée d'un support à l'autre. Donc cette désincarnation est la caractéristique du contenu, parce qu'après tout, le fond, ça provoque toujours une espèce d'émotion, une espèce d'effroi. Au fond, on ne sait pas si on va toucher le fond, trouver un trésor, on ne sait pas ce qu'il y a au fond. Hein. Et le contenu, au contraire, ça aseptise, ça nie l'émotion et ça provoque une sorte d'anesthésie un peu lénifiante, comme toute anesthésie, vous me direz. Et derrière, il y a quoi ? Il y a l'obligation de vitesse qui se cache derrière tout ça, parce que le contenu doit se transférer le plus vite possible. Et au fond, si on y réfléchit, nous sommes tous du contenu. Nous devenons des statistiques, des points de sondage, des variables économiques sommées d'aller de plus en plus vite. Donc le livre que je vous conseille, c'est Accélération d'Hartmut Rosa, hein, puisque je suis censée faire ça, conseiller un bouquin. Et on dit humain, on dit le vivant, on dit l'humain, on dit l'animal, on dit plus les êtres humains, on dit plus la vie, on dit plus les animaux. Alors comment échapper à ce qui n'est même plus un destin de tragédie, hein, comme on avait l'habitude peut-être autrefois, mais une accélération qui nous transforme en particules, en porté dans un flux irrémédiable. Comment résister ? Eh bien, en ralentissant, en détournant le contenu, en riant du contenu, puisqu'après tout, rire, c'est déjà ralentir. Mais merci Isabelle Sorante. Isabelle Sorante, dont vous pouvez réécouter les colloques sur France.fr. Merci Isabelle. C'est vrai, j'ai fait vite. Hein. Vous étiez à fond sur le tapis. J'ai fait vite. Oui, j'ai vu ça. C'est une sportive. Il y a un ouvrage de 350 pages sur le même sujet que vous avez publié, disponible. C'est pour ça que l'ouvrage La Faille que vous publiez chez Jean-Claude Lattès fait 500 pages. Ça n'a rien à voir sur la manipulation. François Bouc, vous êtes toujours avec nous. Vous publiez Super Dupont et on va parler de BD. Tiens, dans ce troisième sujet, le sexisme touche aussi la bande dessinée. Un collectif d'auteurs en appelle à la responsabilité morale des éditeurs, des libraires, des journalistes. Dire que certaines auteurs font de la BD de femmes, c'est vraiment avoir des manières de BD. Malheureusement, le monde est une jungle. L'homme est un loup pour l'homme et surtout pour la femme. Une petite faim ? On va bouffer ? Allez, viens ma poule. Allez, allez, viens ma poule, un dernier extrait de Dirty Dancing. C'est un collectif qui s'appelle BD Égalité, avec notamment Pénélope Bagieux ou Marion Montaigne. Et elles disent, il est, alors elles sont 147 signataires quand même, il est rabaissant pour les femmes auteurs d'être particularisées comme créant une bande dessinée féminine. Alors vous, qui êtes auteur de bande dessinée, François Boux, vous aviez remarqué, on dit BD féminine, BD de mâle dominant? Moi, je veux bien signer d'ailleurs leur pétition hein, en tant que femme, parce que j'ai... Ah, je le savais. Vous saviez que vous étiez seule, Alex, en vérité. J'ai été femme très très tôt, moi. Parce que quand j'étais enfant, ma maman, elle voulait tellement avoir une fille qu'elle m'avait habillée en femme. Donc je suis une sorte de travesti des premières... Allongez-vous, on va en parler. Je suis en train de vous faire un coming out, mais c'est vrai, et donc j'étais le premier, on pourrait dire, travelot de la famille. Et... Il y en a eu plusieurs. Donc... Ce qui fait que ça m'a permis aussi de décloîtrer ma femme, la femme qui est en moi. Mais donc BD de femme, ça ne veut rien dire. Et donc, quand on parle de BD de femme, pour moi, c'est tout à fait naturel, j'en fais depuis longtemps. Et... Super Dupont est donc disponible chez Dargaud, hein, je le rappelle. Merci François Bouc. Alors, est-ce que vous savez ce qui se passe à cette heure-ci dans la salle? Oui. Il arrive. Est-ce qu'il arrive? Annoncez-le avec grand fracas, Alex Vizorek. Préparez vos tomates. Préparez tout ce que vous voulez pour lui lancer. Des objets. Des objets, tout ce que vous avez, parce que c'est le moment de Frédéric Fromet. Et là, il a installé son texte. Il va probablement vous parler de vous. Frédéric Fromet, quel est le thème de la chanson du jour? Mais puisque nous sommes à Lille, c'est l'occasion de montrer combien les ch'tis sont présents dans la chanson. Ch'ti maman ch'ti, ch'ti maman ch'ti, maman ch'ti tu voyais ma vie. Le lundi des frites, le mardi des frites, le mercredi encore des frites. Les autres jours aussi, ne la laisse pas tomber. Elle est ch'ti fragile, et du Nord, pas de Calais. Tu sais, c'est pas si facile de Calais ou Roubaix. Quelle que soit la ville, faut aimer s'emmerder entre deux terrils. Le linge ch'ti au soleil, c'est une chose que l'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil, dans la région vu la météo. On craint pas le cancer de la peau. Quand il fait chaud, c'est l'alcool, le linge ch'ti au soleil. Ch'ti relis pimpon sur le ch'ti wawa. Ch'ti relis pimpon, un coup la bière, un coup le maroilles. Ch'ti relis pimpon dans Pas-de-Calais, c'est trop sympa. Touche pas ma bagnole, je l'ai tunée, qu'est-ce que tu crois? Star ch'ti et hutch, nananana, star ch'ti et hutch. Le tuning c'est quasiment inné quand tu es du Nord Pas-de-Calais. On a tous en nous quelque chose de chez les ch'tis. De Lynn Renault ou de Martine Aubry. Est-ce qu'on doit parler de Franck Ribéry? De Steve Briouat, là ça donne moins envie. L'horrible chose de chez les ch'tis. Oh, les ch'tis, en décembre au régional, n'allez pas vous faire du mal. Je sais bien que je l'ai trop dit, mais je t'y le dis quand même. Oisem. J't'y amo, j't'y amo. J't'y amo, j't'y amo. Bats-moi en j't'y beau, deux j't'y beau, trois j't'y beau piloute. Je suis libertine, je suis consanguin. En ch'ti social, tu perds ton beffroi. Ch'ti, t'es fier d'être de main cointable dans tes mains. Ch'ti, t'es fier d'être de main cointable dans tes mains. Ch'ti, t'es fier d'être de main coin de Béthune ou de Tourcoing. Ch'ti, t'es fier d'être du coin, j'y comprends rien. Ouais, merci. C'est des conneries, hein. Ah, c'est pas fini? C'est pas fini? fini. Je t'ai fini. Il a dit « Ch'tiamo » à Lille. C'est magnifique en direct du Théâtre du Nord pour Lille 3000 qui nous accueille si chaleureusement. Merci. Et on rappelle que vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu'au 30 septembre. C'est important. Il y avait un petit couplet et c'est important. Tiens, qui vient d'arriver, c'est Nicolas Demorand. Bonsoir Charline. Vous avez écouté avec François Bouc qui publie Super Dupont, je le rappelle. Super Dupont. Super Dupont chez Dargaud. Oui, c'est ça. C'est ça, hein. Ça. Vous validez, c'est bon. Oui. Et puis je rappelle aussi Le procès du Carlton, hein, avec Pascal Robert Diard et édition Le Monde, Le Lombard, qui est disponible depuis le mois de juillet puisque vous avez assisté au procès du Carlton et que vous l'avez dessiné. Merci François Bouc. Le mot de la fin pour Nicolas Demorand ? Ça va être dur, hein. Qu'est-ce que vous avez choisi ? Ras-le-bol de quelque chose ou... Les macarons, ras-le-bol. Ras-le-bol des macarons. Oui, c'est bien, c'est le coup de gueule. Vive de Nicolas Demorand. Les gaufres de Lille. Allez, c'est parti. À lundi. Fayot.